Bonsoir Daniel, deuxième de nos conférences maison. Ce soir, on aborde un problème du siècle, la culpabilité. Ouais, un problème du siècle, ouais. Mais c'est pas un problème du siècle, c'est un problème de l'humanité parce que c'est un problème qui est antécédent à notre siècle. La culpabilité était un moyen de manipulation que tous les organismes sociétaires, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient gouvernementaux, militaires ou quoi que ce soit, se sont servis pour pouvoir manipuler la population. Puis même que les parents s'en servent aussi pour manipuler leurs enfants, les patrons s'en servent pour manipuler leurs employés, le mari pour sa femme, la femme pour son mari. Alors c'est l'astral en général qui se sert de la culpabilité de cette Depuis forme-là. quand la culpabilité existe-t-elle chez l'homme? Depuis que l'homme a des émotions, depuis que l'homme réfléchit ses émotions, la culpabilité existe. C'est-à-dire que la culpabilité, premièrement, pour être saisie, il faut premièrement que la personne ait un concept de quelque chose. Concept, c'est une idée. On va parler de la culpabilité par rapport à quelque chose de plus commun. Toi, tu sais, ou tu apprends, tu as une idée que de bien manger à la table, par exemple, c'est de manger, bon, assis le dos droit, puis manger avec des ustensiles. Alors, ce qui fait que si tu as ce concept-là, ou que tu ne dois pas éternuer à la table, là, je te donne quelque chose, OK? Alors, tu as cette idée-là, toi. Bon, pour bien faire, là, dans ton concept, tu ne dois pas éternuer à la table. À un moment donné, tu éternues. Mais là, tu viens de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes concepts, à l'encontre de tes idées. Oui. Bon, et puis, si c'est important, si tu attaches l'importance à ton idée, à ton concept, ben automatiquement, tu te sens fautif. Tu viens de faire d'aller à l'encontre de tes propres idées. C'est lié au désir. C'est lié au désir de c'est lié surtout à l'importance qu'on accorde à une idée qu'on a. Par exemple, tu es en train de... tu voles. Mais tu as appris depuis ton enfance, tu as un concept là, comme quoi le vol, c'est pas bon. Soit parce que Dieu va te punir, soit pour avoir une dette karmique, soit, bon, quelle que soit l'éducation, tu ne dois pas voler. Une personne, à un moment donné, sous l'impulsion d'un désir, va faire un vol à l'étalage, mais son petit frère va voler sa sœur, ou ouais, vice-versa. Et puis après un certain temps, ben là, tout le long de son vol, puis par après, il ne sait pas s'il a bien fait ou non, parce qu'il y a son concept qui ne doit pas voler, qui vient lutter contre l'action qui est mémorisée. Mais elle aurait désiré ne pas voler. Oui, à cause qu'elle a le concept qu'elle ne doit pas voler. Alors, ce qui fait que la lutte automatiquement qui est engendrée par l'importance attachée à cette idée-là qu'elle ne doit pas voler et par comparaison à l'action qu'elle a faite, elle a volé, automatiquement, ben là, elle se sent fautive, elle se sent coupable. Et puis nous, on va se servir de ça, l'homme se sert de ce phénomène-là qui est psychologique pour manipuler les autres. Alors, par exemple, on va éduquer nos enfants en leur donnant un paquet d'idées de ce qu'ils ne doivent pas faire, et puis on va toujours leur répéter qu'ils ne sont pas des bons garçons, qu'ils ne sont pas des bons enfants, ou qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir des enfants comme ça, ou bon, ben laisse faire, je vais aller le faire, Tu vas rendre ta mère malade. tu vas rendre ta mère malade, ou n'importe quoi, ce qui fait qu'on se sert continuellement des concepts qu'on ancre dans nos enfants, ou dans notre femme, ou dans nos proches, pour pouvoir après ça les travailler, ces concepts-là. Puis l'éducation est basée là-dessus. À l'école, ben on sait que tu dois être poli avec un professeur. Sans ça, bon, ben tu te fais Mets chicaner. dans le coin avec un bonnet. Avec un bonnet d'âne, de faire dans le genre. Juste pour bien te faire prendre conscience que tu es à l'extérieur de tout le monde. Puis tu as le concept, toi, que tu dois faire comme tout le monde. Faut que tu t'habilles à la mode. Faut que tu parles pas poli quand tu montes telle affaire. C'est interdit de sacrer. C'est interdit de. Bon, il y a un paquet de choses. Alors, ce qui fait que si tu rentres, tu vas dans un party, tu es habillé en jean, tout croche, parce que tu t'attends à ce que tout le monde soit habillé en jean, puis tout croche. Tu arrives là, ils sont tous en tuxedo, en veston, puis bon, tout ça. Tu peux te sentir automatiquement culpabilisé. Cette forme de culpabilité-là peut s'appeler la gêne, peut s'appeler la honte. Parce que quelqu'un qui a honte, c'est quelqu'un qui se sent coupable. Mais en réalité, tu restes toi comme tu étais. T'as pas de casse à la tête à cause d'un événement dans ce genre-là. Si tu veux pas y aller, tu y vas pas. Si tu veux y aller, tu y vas. Mais de te sentir coupable ou de te sentir honteux ou gêné, là, ça, c'est une manipulation de l'extérieur, inconsciente, mais qui t'est faite parce que tu te sens coupable. Mais la culpabilité est-elle automatiquement liée avec l'idée de faute? Oui, la culpabilité est automatiquement liée avec l'idée de faute. La faute, surtout, d'aller à l'encontre d'une de nos idées propres. Bref, la faute d'être menteur envers nous-mêmes. Surtout. Sauf que on se rend rarement compte que c'est avec nous-mêmes qu'on se sent fautif. On va souvent sentir gêné, honteux ou coupable par rapport à ce que d'autres vont nous dire. Par rapport à l'extérieur. Ouais, mais les autres, ce qu'ils nous disent, ça a toujours rapport, c'est toujours équitable avec le concept qu'on a nous autres mêmes de l'idée. Alors, si je sais que je roule trop vite avec mon auto, puis d'un coup, la police arrive en arrière de moi, les flasheurs allumés, tout le monde voit que j'ai fait une faute, puis moi, je me sens coupable au coton, puis les flasheurs, ils les laissent allumer justement pour donner une leçon morale à la personne. La société fonctionne comme ça. Ben, les religions, les parents, tout le monde. OK, la culpabilité, c'est un outil extrêmement employé pour manipuler les individus. Alors, toi, tu es dans ton auto, là, puis tu te sens tout coupable, là, puis en arrière, il y a flasheur, tu vois, dans ton miroir, et puis tout le monde qui passe, il regarde. Ils vont penser que t'es Ben, tout est criminel. fait pour te culpabiliser. Tu recommenceras pas après ça à rouler vite. Pas parce que tu comprends que c'est dangereux, parce que tu as peur de te faire pogner par la police, parce que c'est trop culpabilisant, trop honteux, puis trop gênant. Alors, la société, au lieu d'enseigner à l'individu, par exemple, à réfléchir pour commettre une action droite, je dis droit, là, c'est entre guillemets, ben, elle va le culpabiliser pour le manipuler. Alors, des fois, la manipulation, ça a été bon longtemps. C'est évident que ton enfant de 3 ans, tu le manipules en lui disant que s'il traverse la rue puis qu'il se fait frapper par un char, ça va lui faire mal. Fait que donc, tu crées une peur en lui. S'il t'écoute pas, tu vas lui donner une fessée. Alors, ce qui fait qu'il ne traversera pas la rue parce qu'il a peur de la fessée ou parce qu'il sait qu'il ne sera pas un bon garçon ou parce qu'il va faire de la peine à sa mère ou à son père ou bien, il va faire pleurer le Jésus ou n'importe quoi. Tu le culpabilises, c'est-à-dire tu le manipules de cette façon-là, mais on peut presque dire que là, t'as pas le choix parce que l'enfant n'est pas rendu à un état de développement intellectuel où ce qu'il peut comprendre le danger de traverser une rue sans regarder. Dans l'évolution de l'humanité, si on regarde les hommes des cavernes, puis on regarde en remontant jusqu'à Jésus-Christ, par exemple, jusqu'au Nazaréen, ben c'est évident que la manipulation culpabilisatrice était bonne parce que l'individu n'avait pas la conscience qu'il fallait pour voir les dangers. Alors, on avait, par exemple, œil pour œil et dent pour dent, ben, à un moment donné, la population est en train de se décimer. Tout le monde s'entretuait, puis tout le monde se vengeait parce que c'était la loi. On avait le droit de le faire. C'était permis, c'était vu, c'était la façon de Ben procéder. oui, mais tu peux pas faire une société, tu peux même pas faire une colonie, tu peux même pas faire une population si tout le monde s'entretue continuellement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les forces intelligentes ont commencé à instaurer des barrières. Tends la joue gauche. Ouais, tends la joue gauche, puis quand tu reçois une claque, tu la joues droite. Ils ont instauré des barrières pour que l'homme arrête de toujours s'en aller dans des précipices pour se tuer, soit qu'il aille en guerre, ou soit que, bon, mais il viole n'importe qui, massacre n'importe quel genre d'enfant, il y a des esclaves tout partout, enfin bref, ça allait plus pantoute. En mettant la culpabilité, c'est-à-dire qu'en instaurant une morale religieuse, une morale philosophique, que ce soit par les Esséniens, par l'Église catholique, ou là, on parle toujours de, dans le temps du Nazaréen, mais ça s'est passé un peu partout sur tous les continents, à Bouddha, au niveau des Indes, bon. Alors, en instaurant une morale, tu crées donc un concept dans la psychologie d'un individu. Tu ne dois pas faire ça. Dieu est content quand tu fais ça. Tu dois t'excuser ou te pardonner ou te faire pardonner. Bon, tu as un paquet de choses qui ont été instaurées, qui ont été placées dans la psychologie de l'homme pour pouvoir, après ça, le culpabiliser, c'est-à-dire pour pouvoir le tenir, le manipuler. Quand il fait quelque chose à l'encontre de cette psychologie-là qui est ancrée en lui, tu lui rappelles que c'est ancré en lui. Puis que lui a été à l'encontre de ce que lui-même a en lui. Automatiquement, tu crées une culpabilité qui est correcte, qui est positive pour l'époque de l'évolution de l'humanité. Je parle toujours de v'là 2000 ans. Pour un temps d'éducation. Oui, c'est un temps d'éducation qui est bon. Comme ton enfant de 3 ans, ça a un certain bon sens de le manipuler par différents moyens parce qu'il n'a pas encore la possibilité de comprendre. Mais il vient un moment donné, et dans l'âge de l'enfant, et dans l'âge de l'humanité, où on ne doit plus manipuler, culpabiliser, faire honte, la personne doit apprendre pourquoi, de comprendre, et non pas être culpabilisé. Si tu rentres, bon, tu as une contravention, puis les flasheurs allumés, tout ça, puis ça te culpabilise. Mais si à un moment donné, on t'explique clairement le pourquoi qu'il y a des limites de vitesse, le pourquoi qu'il y a des restrictions, tu vas finir par comprendre. Mais l'homme n'est pas encore assez intelligent en termes de masse, pour comprendre ça. Je vais te donner un exemple du manque d'intelligence encore de la masse. L'individu seul, souvent, est intelligent, mais pris dans la masse, il ne l'est pas. Ça fait combien t'as d'enfants qui se font tuer en sortant d'un autobus scolaire tous les ans? Il y en a tous les ans. Il y a des autopatrouilles de la police qui en tuent, il y a des autobus scolaires qui en tuent, il y a des autos privées qui en tuent, il y a des camions, il y a tout le monde qui en tue. Pourtant, on sait que quand un autobus scolaire est arrêté, que les signaux clignotent, ben, des deux côtés de la voie, tu dois arrêter. Tous les ans, il y a des enfants qui se font tuer en traversant la rue quand il y a un autobus scolaire arrêté avec les signaux allumés. Alors, le monde le savent. On fait de la propagande, on fait n'importe quoi mais l'individu de masse n'est pas encore rendu assez intelligent au niveau intellectuel. Ses émotions priment tout le temps sur son intelligence. Le gars, il est pressé, il écrase, il ne réfléchit pas, il voit un autobus scolaire arrêté, il n'y a pas d'enfant, il s'en balance, il passe, bang, il en tue un. Là, le gars, il pense. Mais il y a une mort. Mais s'il n'y en a qu'un qui pense, mais il reste encore 6 millions d'individus qui ne pensent pas. Alors l'homme n'est pas encore prêt. On a encore besoin d'un peu de la culpabilité, mais il faut penser à changer l'école à un moment donné. Il faut que l'homme réfléchisse de par lui-même. Le gars, il arrête pas parce que la loi a dit d'arrêter. Le gars, il arrête parce qu'il sait qu'il y a des enfants qui peuvent traverser. Bien différent, ça, dans l'individu. Fait que par rapport à l'intelligence individuelle puis de masse, on pourrait dire qu'à cause qu'il y en a qui ont l'intelligence d'arrêter, c'est qu'une intelligence individuelle qui se passe, puis à cause que ça se fait encore, que ça existe encore, c'est que la masse, elle, n'est pas parvenue à... Non, il y a des individus qui sont rendus à un niveau intellectuel ou intelligent assez avancé pour ne plus devoir être manipulés, être culpabilisés, mais ces individus-là sont en lutte présentement contre leur culpabilité. La culpabilité s'est ancrée depuis longtemps parce qu'on a été éduqué avec la culpabilité comme manipulation, comme outil de manipulation. Alors même si tu en es conscient, ça ne t'empêchera pas d'avoir honte de certaines de tes actions. Ça, c'est négatif et destructeur pour l'individu qui est assez intelligent pour ne pas avoir justement à être culpabilisé. Alors toi, tu sais que le fait de parler à quelqu'un, si la personne est malheureuse, c'est pas de ta faute, ça ne te regarde pas du tout. Si la personne interprète mal... ce que tu dis ou l'événement que tu y expliques, c'est pas de ta faute à toi. Mais nous, on joue souvent sur ça. Ah, ben tu me rends malheureux ou ben non, je te comprends pas, là. Comment t'as pu faire quelque chose de même? Mais un gars intelligent comme toi, bon, là, il te manipule puis il essaie de te culpabiliser. Mais si moi, je dis, mettons qu'on parle d'un couple, ben moi, tu vas à sortir là à soir, moi, ça me tente réellement pas d'y aller, je suis fatigué. Ben, si c'est deux êtres intelligents, ben, la femme ou l'homme va dire, bon, ben, il n'y a pas de problème, couche-toi, moi, ça me tente de sortir, ça, je vais y aller, puis je reviendrai, c'est tout. Puis une journée qu'on sera en forme, tous les deux, ben, on sortira ensemble. Il n'y a aucun conflit, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien. Mais là, la personne qui veut sortir, elle peut dire, ben, oh, t'es trop fatigué, puis crime, tu devrais venir, qu'est-ce qu'ils vont dire si j'arrive tout seul, puis, bon, là, t'es en train de culpabiliser l'autre pour le manipuler, pour que l'autre fasse ce que tu veux, toi. Mais là, ce n'est plus des êtres intelligents qui font ça. C'est des êtres émotifs, c'est des êtres qui sont contrôlés par leurs passions, par leurs émotions, puis qui ont un ego, qui ont un orgueil, qui ont des choses comme ça, qui les forcent à manipuler l'autre, à le culpabiliser. Alors, ça crée des conflits, ça crée des chicanes, ça crée un paquet de choses. Ce qui fait que la culpabilité, la manipulation culpabilisatrice, est bonne pendant un certain temps d'évolution d'humanité, pendant un certain temps d'évolution de l'être en tant qu'individu, en termes d'enfance, par exemple, mais plus rendu à l'adolescence, plus rendu à la préadolescence. L'enfant est assez intelligent pour commencer à raisonner, même que présentement, à 4 ans en montant, il commence à raisonner pas mal. Alors, ce qu'il faut, c'est ça. C'est qu'il faut que l'individu qui commence à être intelligent, à raisonner, prenne conscience de ce qui le culpabilise, de ce qui le rend honteux, de ce qui le gêne. Hein? Et puis, à un moment donné, il va pouvoir passer par-dessus ces formes archaïques de manipulation. Parce qu'actuellement, ça serait comme une maladie. C'est-à-dire que c'est une maladie psychologique, la culpabilité, c'est évident. Combien de choses qu'une personne s'empêche de faire, qu'elle aimerait faire parce qu'elle se sent coupable si elle le fait, elle a peur d'être vue, elle a peur d'être prise sur le fait. Mais c'est quoi être prise sur le fait, sinon se sentir coupable déjà? Alors toi, tu veux par exemple, juste les personnes qui veulent se promener tout nus. Bon, ils peuvent se promener dans le bois, ils peuvent aller n'importe où dans leur maison, puis il y en a un paquet que même s'ils sont tout seuls, ils ont toujours peur de se faire pincer quand même. Pourquoi? C'est pas une honte, c'est pas une gêne, c'est pas une faute. Tu viens au monde comme ça, puis t'es mieux comme ça. Le corps est vraiment mieux comme ça. Alors, il y a la majorité encore des individus vont avoir peur, ou ça s'en va de plus en plus. Mais c'est une culpabilité, ça, que même si tu es intelligent, puis même si tu veux te libérer, c'est quand même une chose qui te pogne, puis qui te trimballe. Tu vas regarder certains films à un moment donné, puis tu peux te sentir honteux ou gêné d'avoir décidé d'assister à un film comme ça. Tu vas aller voir un film pornographique, par exemple, parce que ça te tentait. Puis pendant que tu es en train de regarder ton film, mais là, tout d'un coup, tu commences à avoir une culpabilité. T'sais? Tu sors en cachette. Ouais, tu sors en cachette, puis en plus, tu as peur même d'aller acheter ton billet au film. Ou bien non, tu vas voir un film pour enfants. Il y a des adultes qui veulent voir un film pour enfants parce que ça serait plaisant, un film de Walt Disney ou n'importe quoi. Mais ils sont gênés d'aller acheter un billet pour rentrer au cinéma. Qu'est-ce que le monde vont dire? C'est plein d'enfants, puis tu rentres, tu vas voir ça. Mais ce qu'ils vont dire, ils diront ce qu'ils voudront. La grande majorité, non seulement ne diront rien, mais en plus, ils vont être jaloux de toi parce que toi, tu as le courage d'y aller. Ça le tente tous les autres avec, mais les autres sont plus sous toi pour y aller. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, la culpabilité dans un individu adulte qui commence à être intelligent, c'est un frein à son évolution. Ça a été un bon point pendant longtemps, mais là, maintenant, c'est rendu un frein à son évolution. C'est une manipulation qui est quasiment inconditionnelle. On n'y échappe à peu près pas. Il faut qu'on commence à s'en sortir. C'est très, très important. C'est un immense frein. Se sentir gêné, se sentir coupable d'un acte qu'on fait. Tu fais un acte, l'acte, il est fait. Tu n'as pas à juger ton acte après, à savoir si tu es coupable ou non. Si ça a créé des choses qui te sont négatives, tu ne culpabilises pas. La prochaine fois, si tu ne le feras pas, ben non, tu vas faire mieux, puis c'est tout. Mais tu commences pas à te culpabiliser, par avoir honte, par méditer là-dessus, par venir là-dessus, par te poser des questions, par te casser la tête. Dans le présent, il n'y aurait pas de culpabilité. Non, parce que la culpabilité, c'est simplement un retour à un événement que tu as accompli ou que tu accomplis, que tu prends conscience dans ta mémoire. Mais sans mémoire, il n'y a pas de culpabilité, ça c'est évident. Présentement, l'homme est quand même assujetti à son corps astral puis à tout ce qui est incrusté à l'intérieur, à tout ce qui est mémoriel. L'homme est sujet à la culpabilité, mais il faut que l'homme intelligent finisse par s'en sortir. C'est un frein incroyable. Combien de personnes, penses-tu, ne vont pas dans des librairies ésotériques de peur de se faire prendre? Ils savent pas comment rentrer dans une librairie ésotérique. Ils sont gênés de demander un livre au libraire. Ils sont gênés d'en parler. Juste l'ésotérisme, ça fait, on commence à en parler. De plus en plus, on l'annonce même en public. Ça a pris combien de temps avant que les individus commencent à communiquer au niveau de l'ésotérisme, de la parapsychologie, de la télépathie, de la réincarnation, ces choses-là? Longtemps, ça a été culpabilisé. Longtemps, c'était voyons donc, l'autre, il pense à ça, il crée à ça, c'est un darlan. Bien, la religion s'était quand même occupée à ce qu'on déborde pas de leurs frontières. Ça a été bon jusqu'à maintenant, où tout ce qui est caché doit être révélé. Mais longtemps, la culpabilité a été l'outil primaire des religions et des sociétés. D'ailleurs, c'est encore l'outil parfait. Des politiques aussi. Mais des sociétés, c'est ça que je te dis. Mais alors, pourquoi te sentir coupable d'aller t'acheter une boule de cristal ou un jeu de tarot si ça tente de tirer aux cartes ou de voir si ça marche ou si tu y crois? Pourquoi être gêné de croire à quelque chose? Parce que la masse n'y croit pas. Mais c'est ça, la culpabilité. Puis là, c'est un crime de frein. Ça te tente de rentrer d'une librairie ésotérique, tu y vas. Ça te tente de rentrer dans un sex shop, tu y vas. Ça te tente de rentrer d'une vue pour enfants, tu y vas. Ça te tente d'aller à l'église, ça fait 15 ans que tu n'y as pas été, tu vas aller voir ce que c'est. Tu vas être aussi gêné de rentrer dans l'église que la personne qui va à l'église va être gênée de rentrer d'une librairie ésotérique. Mais pourquoi se sentir coupable? Pourquoi se sentir honteux? Pourquoi se sentir gêné? Voyons. Mais comme on dit qu'il y a du bon dans toute chose, cette force, on dit bien des choses aussi pour excuser nos problèmes. Ce frein-là, est-ce qu'il y a quand même une utilité? Il y a eu une utilité. Maintenant, plus de culpabilité. Bien, à quoi sert ta culpabilité sinon te freiner? Vu que tu es intelligent assez pour pouvoir observer et te rendre compte, bien, tu te rends bien compte qu'effectivement, à un moment donné, si ça te tente d'être libre, ça te tente de manger de la crème glacée le matin pour déjeuner et tu te fous bien de ce que les voisins vont dire. Ça te tente d'être dans ton linge à corde de linge puis t'es n'importe quel genre de linge parce que tu t'habilles un peu flofla. Pourquoi? Tu t'habilles comme ça te tente, comme tu es bien, tu arranges ta maison comme ça te tente, tu vas acheter les livres que ça te plaît de lire, tu vas voir les films que ça te plaît d'aller voir. Pourquoi te sentir coupable dans quelque chose dans le genre? Ça peut te permettre d'avoir une deuxième chance, d'y repenser à deux fois avant de dire quelque chose. La prudence, puis la peur, puis la culpabilité, c'est des affaires absolument différentes. La culpabilité, là, tu te sens coupable parce que tu te sens fautif. Mais si moi, je suis prudent dans une action, je me sens pas fautif, je réfléchis pour voir les effets que ça va donner. Puis parce que je me sens pas coupable ou fautif, je peux y réfléchir drôlement mieux que la personne qui se sent coupable déjà d'agir. Je m'habille-tu comme ça ce soir ou non? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Elle peut pas y réfléchir intelligemment. C'est ses goûts à elle qu'il faut qu'elle exploite présentement pour pas créer un autre conflit à l'intérieur d'elle. Puis elle va s'habiller comme ça y tente. C'est sûr que si elle sort d'une soirée où ce qu'elle va être refusée si elle n'est pas habillée propre, la personne est intelligente, elle va s'habiller propre, pas parce qu'elle va se sentir coupable, parce qu'elle connaît les règlements établis sur place. Puis si elle décide de prendre un taxi, elle prend un taxi, mais faut pas qu'elle soit gênée parce que le taxi qui vient chercher, c'est une Lada. C'est pas une Rolls Royce. T'sais? Alors, la culpabilité, c'est quoi? C'est pas constructif. Ça l'a été bon. Mais pas quand l'homme devient intelligent. L'homme, il comprend, puis l'homme, faut qu'il comprenne pourquoi il agit. Faut pas qu'il agisse parce que le gars ou la femme se sent coupable ou a peur d'agir. Mais il y a aussi des gens qui ne se sentent pas coupables ou qui ont l'affect de ne pas se sentir coupables de quoi que ce soit, qui vont aller, qui vont pousser quelqu'un, puis qui n'ont aucun respect, puis ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas de barème. D'accord, mais ils ne se sentent pas coupables, mais ils n'ont pas de barème de vie. L'individu qui ne se sent pas coupable, c'est un individu qui souffre de culpabilité. C'est un individu qui a tellement peur de se sentir coupable. L'individu qui souffre de culpabilité, c'est un individu qui va à l'encontre de ses concepts, qui se sent fautif par rapport à ses idées. C'est pour ça qu'il se sent coupable à ces concepts. L'individu qui, lui, ne veut pas aller à l'encontre de ces concepts va s'instaurer un niveau de vie, comme tu dis, il va pousser tout le monde, il prend la première place dedans l'ascenseur, il attendra pas si quelqu'un veut rentrer, il ferme les portes, il emprunte des cigarettes à tout le monde, bien 9 à personne. Mais l'individu, lui, il va agir comme ça parce qu'il est déjà coupable, il se sent déjà mal, mais il a tellement peur à un moment donné de se faire refuser quelque chose, puis de se sentir gêné, de se sentir honteux, que cet individu-là, OK, va tout mettre en marche un paquet de mécanismes qui nous paraissent violents pour empêcher justement qu'on s'aperçoive de sa culpabilité. Quelqu'un, par exemple, c'est juste prendre au niveau de la peur. On regarde les jeunes des écoles secondaires, t'en as qui sont tough. Mais ces toughs-là, pourquoi ils sont tough? Parce qu'ils ont tellement peur d'eux autres mêmes qu'ils sont obligés continuellement de se prouver qu'ils sont capables de vivre dans la société. Alors, ils vont boxer tout le monde, ils vont faire un paquet de coups, mais c'est des individus qui ont peur, c'est pas des individus qui sont courageux. Mais ce pas des individus qui se sentent coupables non plus. Ils ont peur. Ah oui, ils se sentent coupables en tabarouette, sauf que l'individu est obligé continuellement, pour se prouver qu'il n'est pas coupable avec lui-même, de continuer à faire la même action. Fais un vol à un moment donné, tu te sens coupable. J'aurais pas dû voler. Pourquoi j'aurais pas dû voler? C'est des grosses compagnies qui nous volent tout le temps. Fait que moi, continue à voler, puis j'ai raison de voler. Tu te donnes une raison, puis là, tu continues à voler et de faire du vol à l'étalage. Parce que là, tu te donnes une raison pour ne pas avoir à te sentir coupable, pour ne pas avoir à avoir honte de ton action. La personne qui viole une femme, à un moment donné, il peut, il se sent coupable au coton puis il endort pas. Mais pour contrebalancer ça, c'est un mécanisme de défense psychologique qui est normal chez l'homme, mais pour contrebalancer ça, et puis il va finir par s'établir une raison, une philosophie, puis il va continuer à le faire, croyant que c'est correct. Ça peut être la main de Dieu qui va le guider, pour donner une leçon à ceux qui font du pouce. Ça peut être n'importe quelle raison ou philosophie qu'il va se donner. La personne qu'on pense qu'il se sent jamais coupable, elle se sent coupable. Elle s'est sentie assez coupable, là, que là, elle a instauré une philosophie de vie pour la préserver, justement, de la culpabilité. Mais elle se sent coupable continuellement. La journée que quelqu'un va arriver, là, elle pousse. La journée qu'elle va pousser quelqu'un, puis la personne, elle se laissera pas pousser, puis elle va la maudire dans un coin. Tu vas voir qu'elle va se sentir coupable en maudire tout ce qu'elle a fait par avant avec. Elle saura pas s'il faut qu'elle continue, parce qu'elle voit qu'il y a des limites à sa philosophie. Ah non. Faut te sens pas que ceux qui foncent continuellement, là, puis qui n'ont pas de barème, ceux qu'on dirait justement qu'ils se sentent coupables de rien, ils dorment très, très difficilement, puis ils sont obligés d'agir comme ça pour préserver leur intégrité psychologique, pour continuer à croire qu'ils agissent comme ça, puis que c'est correct. Parce que s'ils ne croient plus que c'est correct, ils vont se sentir coupables au coton, puis ils ont trop d'expérience à ramasser pour commencer à méditer sur leur culpabilité. Alors, c'est pour ça que c'est pas un être intelligent, la personne qui n'a pas de barème. Tu fais de quoi? Parce que tu comprends. Moi, je vais arrêter pour laisser traverser un aveugle avec son char. Ben non, on va même descendre puis m'a laissé traverser. Pour la simple raison que je me sens pas coupable de quoi que ce soit. Puis si j'y vais pas, ben je suis pas entre les deux. J'y vas-tu, j'y vas-tu pas, j'y vas-tu, j'y vas-tu pas. C'est la personne qui sent coupable, ça, qui fait ça. Si j'y vais pas, je devrais y aller. Puis si j'y vais, ben le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis bon, t'es tout pogné dedans puis tu fais rien. Une personne qui perd conscience dans le métro, combien qu'il y en a qui se lèvent pour l'aider? Il n'y en a pas bien, hein? Sinon, il n'y en a pas pantoute. Parce que, ouais, mais je sais pas quoi faire, fait que j'ai pas à m'en mêler. Ça, c'est une raison que tu te donnes pour préserver ton intégrité, parce que tu te sens déjà coupable de pas y aller. Alors, tu te donnes une raison pour expliquer le fait que tu y vas pas. Tu te sens coupable pareil, c'est bien camouflé. Tu sais? Et puis, si tu te lèves, puis tu y vas, puis tu sais pas quoi faire, puis tu commences à être gêné, tout le monde te regarde. Tu penses que tout le monde te trouve con d'aller essayer de faire de quoi quand tu le sais pas? Non, tout le monde est jaloux de toi. Tout le monde aurait voulu se lever. Tout le monde a tout shaké sous le banc comme s'il allait pour se lever. Il n'y a pas un qui est capable parce qu'ils ont trop d'ego, ils ont trop d'orgueil, ils sont trop culpabilisés par le fait que si t'es pas capable de faire de quoi, tu le fais pas. Puis si le monde, c'est plein de monde qui te regarde. On a de la misère à agir quand le monde nous regarde parce qu'on a peur de faire une gaffe. On est culpabilisé avant de se lever. Alors, combien de monde qui se lève dans le métro? Moi, j'ai déjà ramassé un alcoolique qui était tombé à terre des cinémas. Ben, il était à la sortie du cinéma, puis c'était l'hiver, puis il pleuvait. On a des belles hivers. Fait que je le lève pour voir ce qu'il y a, puis le bonhomme, il était juste chaud. Puis là, le crime, il faisait frette quand même. Puis il avait les mains bleues, il avait les mains gelées. Fait que je le lève debout, puis je lui demande si c'est où ce qui reste. Fait qu'il me dit oui, mais il dit qu'approximativement le nom d'une rue que je connaissais pas à l'époque. Fait que je prends le bonhomme, puis je marche en direction de la rue, puis à un moment donné, j'étais plus sûr si la rue existait. Fait que je demande à un passant s'ils peuvent me dire si la rue Guilford, c'est par là-bas. Ah non, tout le monde me prenait pour un alcoolique, moi, avec. Il n'y a pas un seul qui a arrêté, il n'y a pas un qui a répondu. Moi, j'étais aussi alcoolique que le gars. Tout le monde avait peur. Le gars serait mort sur le trottoir, personne ne l'aurait levé. De peur de passer pour un alcoolique. Puis être alcoolique, c'est pas correct. Donc, tu te sens coupable. tu sais plus quoi faire avec le bonhomme après. Si tu l'abandonnes, tu es encore coupable. Tout le monde te regarde de laisser là. Tout le monde te traite de chien. Mais personne ne va l'aider pareil. T'sais? Alors, tout le monde va... De toute façon, tout le monde va se sentir trop coupable pour venir te le dire aussi. Mais c'est ça. Alors, à un moment donné, j'ai réussi à me rendre jusqu'à chez le bonhomme. Je vais à la rue, je suis monté chez lui. Puis là, j'étais pas sûr que c'est lui, moi, là. Le gars était chaud. Cogné à n'importe quelle porte, t'as l'air fin. Je cognais pareil au cas. C'était pas chez lui, mais c'était chez quelqu'un qu'il connaissait. Puis le gars l'héberge pendant un certain temps. Le gars, il en revenait pas que je l'aille amener. Il dit, c'est tout le temps la police qui l'amène. Il n'y a jamais aucun piéton ou aucun passant qui l'a ramené. Le gars, il en revenait pas. C'était pas possible. Dans sa tête, ça se faisait pas qu'un piéton arrête pour ramasser un alcoolique sur le trottoir. C'est pas un même, mais c'était un clochard. Bon, alors, moi, je l'ai ramassé, puis j'ai la culpabilité, je n'ai pas vu. Mais j'ai vu qu'il y en avait plein autour de moi, à Tabarnouche, par exemple. Il y en avait plein. Même que le gars, quand je sortais du cinéma, on était une file à sortir. Il a fallu que je l'enjambe. Dès n'importe. Puis moi, je suis vraiment promis, j'attends tout le temps que le monde sorte pour avoir la paix, pour pas me faire bousculer quand je sors. Il y en a plusieurs qui ont pas oui, c'est ça. Tu te rends compte du nombre de personnes qui l'ont enjambé? Quel film c'était? Je me souviens plus, c'était un film de Bruce Lee. J'étais jeune à l'époque. Tu sais, mais combien de personnes l'ont enjambé, puis personne n'a touché? Puis moi, j'ai peur que le gars soit mort. Puis il y en a bien qui disent, ah, si c'est un règlement de compte, mets-le en pas, t'es mieux de pas t'en mêler parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Ben voyons donc, tabarnouche. Le gars qui l'a tué, pense qu'il reste là à la regarder. C'est ça, on parlait d'excuses à la culpabilité. C'est des belles excuses qu'on donne. Mêle-toi-en pas, mêle-toi-en pas. Voyons donc, c'est pas de tes affaires. Au dernier symposium, il y a une personne qui a perdu conscience dans la salle. Bon, ils sont venus nous chercher. OK, bon, moi, je suis ambulancier, j'ai technique, tout ça, ça va bien. Mais quand on est rentré, il y avait combien de personnes dessus? Il n'y avait pas grand monde s'en occupait du personne. Tout le monde faisait comme si personne ne l'avait vu, tout le monde écoutait la conférence. Mais en réalité, c'est parce que personne ne savait quoi faire et tout le monde s'était gêné de sortir. Alors, si tu regardes, par exemple, que 5 minutes après, c'est qui était autour? Ben, j'avais 2 infirmières. Ça, c'est pas pire. Eux autres, OK, ils sont moins coupables parce qu'ils ont une formation en arrière. Mm-hmm. J'avais 2 de mes amis qui sont médecins. Eux autres n'ont pas de culpabilité de par leur évolution psychologique puis ils ont des connaissances. Il y avait moi et il y avait un autre ambulancier. Mais tout le reste, une fois qu'il y avait du monde, là, il y en a plein qui sont venus voir. Puis là, il fallait le dire de se tasser puis de le laisser respirer. Puis là, maintenant, tout le monde venait nous dire quoi faire. Il n'y avait plus rien de culpabilisant à venir après. Mais répondant, il n'y a pas grand monde. Alors, la culpabilité, si ce n'est pas un frein, c'est quoi? Tu sais? C'est ça, c'est que là, on a encore, dans toutes ces personnes, dans tout le monde, dans tout chacun de nous, il y a encore de la culpabilité. Ah oui. Mais là, comment doit-on vivre avec ça? Est-ce qu'il y a encore une... certaines utilités ou ce n'est que l'utilité de dépasser ça? Ou... Non, le grand piège de la culpabilité, c'est évidemment d'être manipulé puis de nous borner. Et puis, toutes les énergies qu'on a, une énergie d'exprimer quelque chose, l'énergie d'aller aider quelqu'un, l'énergie de suivre un cours, de spécialiser, l'énergie de rentrer dans une librairie ésotérique, l'énergie de n'importe quoi, sont toutes brimées par la culpabilité. Ça crée des immenses congestions à l'intérieur de l'homme. Puis l'homme peut vivre en crise. L'homme est stressé, ça peut dégénérer en conflit physique, en maladie. Alors, il faut absolument que ce soit que ces énergies-là soient bien canalisées. Alors, il faut la culpabilité, il faut absolument qu'elle ouvre ses portes, donc qu'elle disparaisse. Mais le piège de la libération de la culpabilité, c'est la culpabilité. Se sentir coupable d'être coupable. Oui, se sentir coupable d'être coupable. Puis c'est dangereux, c'est comme la peur d'avoir peur. La personne qui lutte déjà contre la peur, moi, m'aller faire un spectacle, puis j'aurais pas de danger, j'aurais bien allé. Elle est déjà en lutte contre la peur, elle a peur d'avoir peur. Alors, à un moment donné, je fais quelque chose, d'un coup, je sens la honte qui monte en moi, ou la gêne, ou je me sens coupable. Puis là, ben maudit, je me sens encore coupable, torieux. Puis là, je me culpabilise de me sentir coupable. Puis le gars ou la fille, il peut chercher longtemps à s'en sortir, puis il s'en sort pas parce qu'il emploie le mécanisme de la culpabilisation pour essayer de dresser sa culpabilité. Un peu comme l'orgueil. Même chose. Être orgueilleux de ne pas être orgueilleux. Ouais. Maudit, je suis encore orgueilleux, je devrais pas être orgueilleux. Pourtant, un gars comme moi ne devrait pas être orgueilleux. Mais t'es orgueilleux déjà. Arrête, c'est pas le chemin pour t'en sortir. Alors, c'est le piège de la libération de la culpabilité. C'est une chose simple, se libérer de la culpabilité. C'est quoi la recette, Daniel? D'être, de plus se sentir coupable. C'est beau. Plus se sentir coupable. Vois-tu, dans la vie de tous les jours, plus se sentir coupable de prendre un verre de bière à table ou plus se sentir coupable d'un geste. La seule personne qui peut réellement ne plus se sentir coupable, c'est une personne qui est intelligente. Puis quand je dis intelligente, c'est pas une personne qui est intellectuante. OK? C'est pas une personne qui est intelligente de par son intellect. C'est pas une personne qui est contrôlée par son émotivité. C'est-à-dire que si ça tente, en plein milieu du midi, je sais pas moi, de procréer avec ta femme, tu t'installes comme ça te tente, comme ça plaît à ta femme, puis bon, n'importe quoi, OK? Il n'y a pas de danger parce que tu n'es pas sa république. Si t'es sur la voie publique, mais c'est pas de l'histoire de te sentir coupable. C'est avec l'histoire que tu pourras pas arriver à tes fins. OK? Alors, tu es intelligent. Tu seras C'est pas pas sur le grand admis. métropolitain non plus parce que C'est tu parce que c'est pas admis. Oui. Si tu vas à Rome, tu vis à la romaine. Si tu vas à Montréal, tu vis à la montréalaise. Mais quand tu es chez toi ou quand tu vis avec l'intérieur de toi, parce que le fait, comme tout à l'heure, je disais, de pas brûler un feu rouge avec ton auto, tu le brûles pas, pas parce que tu te sens coupable, parce que la loi va te punir, puis qu'ils vont t'arrêter en plein public, puis qu'ils vont te donner une contravention. Ou pas parce que ça va te coûter 30$. Tu le fais pas parce que tu comprends pourquoi il faut pas le faire, puis tu en comprends les dangers. Bon, à 5h du matin, il n'y a plus de danger, tu regardes chaque bord, brûle-la si ça te tente, mais si tu la brûles, tu ne te sens pas coupable de l'avoir brûlée. Là, c'est tu un sais fin. Tu sais les risques que tu avais à courir, qu'il y ait un policier Exactement. au coin. Alors moi, des fois, je prends des risques comme ça. Puis s'il m'arrive de quoi, ben j'en prends la responsabilité, mais je me sens pas coupable. Puis si la responsabilité est plus grande que j'avais pensé, la prochaine fois, je vais m'organiser pour pas le faire. Parce que je comprends intelligemment pourquoi faut pas que je le fasse. Mais là, Pas t'as parce que je appris. me sens coupable. Là, t'as appris. Ben oui. T'sais, si tu allumes un feu dans le bois, puis tu fais un gros, gros, gros feu, puis qu'en fin de compte, le feu pogne après la forêt, pourquoi te sentir coupable? Prends la leçon, par exemple. La prochaine fois, allume pas un feu de même. Mais pourquoi te sentir coupable? Aide-la à éteindre le feu si ça te tente, mais allez, bon. C'est une expérience. C'est un beau feu de joie. Ça fait travailler bien du monde. Ça détruit des hectares de forêt, puis tout ça. Je suis entièrement d'accord, mais le fait de te sentir coupable éteindra pas le feu. Le fait de te sentir coupable empêchera pas l'incendie qui est allumé. Par contre, la prochaine fois, ben, va suivre des cours de scoutisme, ou ben non, réfléchis, achète que livres. Mais sors-toi pas coupable pour ça. Fais-le plus intelligemment la première fois. N'importe quelle erreur ou défaite, ça permet toujours à l'homme de recommencer plus intelligemment. C'est pas là pour le rendre coupable. C'est ça, mais quoi faire à la place de se sentir coupable? Il faut là, on absorber parle. notre culpabilité. Il faut la laisser s'exprimer, il faut pas lutter contre. Quand on lutte contre quelque chose, on crée un deuxième conflit. En plus d'avoir le conflit qu'on veut éliminer, on crée un deuxième conflit, celui de vouloir l'éliminer. C'est quoi laisser s'exprimer la culpabilité sans se sentir coupable? Il faut expérimenter l'événement dans lequel on se sent coupable. Très important. Puis ça, c'est, je répète, et pour éliminer la culpabilité, il faut expérimenter l'événement dans lequel on se sent coupable. Je prends un exemple banal, mais après ça, le public ira voir plus loin. Mais je prends un exemple. Est-ce que tu veux dire poser le geste, se sentir oui, coupable? Poser le geste et observer le cheminement de la culpabilité dans l'action, puis après ça, observer le résultat réel sur l'entourage et sur nous autres, puis observer la différence d'importance qu'on attachait à la culpabilité et à l'action qu'on a vécue. Je vais répéter plus simplement. Tu veux rentrer dans une librairie ésotérique, puis tu veux, ben ouais, d'un coup que, je sais pas, mon patron passe, puis qu'il me voit, ben non, ma soeur ou ma mère, tu sais, le libraire, il doit être caché, puis il crée pas rien de ça, puis il regarde le monde en dedans, il dit, oh, la gang de cave, viens acheter des livres ici, tu sais, le libraire, il crée pas ça partout, puis t'as peur de rentrer, le libraire, il va te prendre pour un autre illuminé. Donc, à ce moment-là, il faut s'observer. Ben là, tu te dis, ben, moi, rentrer pareil, t'as envie de me voir. Fait que tu rentres, tu te sens coupable, tu te sens gêné, tu te sens honteux, n'importe quoi. Tu vas voir le libraire, puis tu lui demandes, j'aimerais avoir un livre sur les voyages astrales. C'est qui croit ça, voyage astral. Le libraire, il va te dire, ah ben, il n'y a aucun problème, j'en ai des très bons. Il y a une voix différente de celle que tu pensais. Puis là, tu demandes, croyez-vous à ça? Ou? Ben, le libraire va te dire oui parce qu'il veut vendre, mais il a posé une question, tu te rends compte que le bonhomme, il n'est pas libraire ésotérique pour rien. Ça se peut que oui. Oui, ça se peut qu'il croie à ça pas mal plus que tu peux penser, puis ça se peut que le libraire, ouais. Qui dise qu'il tu en peux fasse. Même jaser souvent avec, tu as commencé à te plaire. Puis là, ben, ta culpabilité, tu te rends compte que crime, c'est que. Les pauvres mecs qui sont dehors, qui ont le goût de rentrer et qui ont peur de rentrer, ils savent pas ce qu'ils perdent. Tu vas t'acheter un livre. Tu veux juste améliorer. Je sais pas, t'as des livres de. Je parle souvent de sexe, là, aujourd'hui, mais c'est simplement que c'est une chose qui culpabilisait pas mal, pas l'humanité, parce que ça dépend des pays et les éducations qu'on a, mais au moins l'Occident. T'as des livres là-dessus, des livres d'éducation pour les enfants ou même pour les adultes. Mais combien qu'il y en a qui osent les feuilleter en librairie? Ils regardent le titre, puis ils espèrent que c'est ça, puis là, ils s'en vont lâcher, ils le mettent à l'envers sur le comptoir en espérant que le bonhomme ne leur virera pas de bord. Le bonhomme, infailliblement, leur vire de bord pour aller prier en dedans. Là, tu vois tout le gars tout vu, puis le gars n'a peut-être 15 chez lui. Le gars, il est libraire. Penses-tu qu'il n'a pas feuilleté ses livres-là depuis longtemps? Tu sais, bon, fait que là, tu t'en vas avec ton livre dans ton sac, puis là, foum, tu rentres chez vous, tu t'enfermes dans une petite pièce, puis tu commences à lire ça. Mais pourquoi te sentir coupable? Tu sais, veut dire, le gars, là, qui se sent gêné parce qu'il achète un livre de même, il y a un qui a pas en tenir en librairie. Puis s'il se sent gêné, c'est cette affaire à lui. Puis un jour ou l'autre, de toute façon, le gars, faut que s'épanouisse aussi. On va camper, j'amène ma tante, tout ça, puis là, je pars avec mon sac à dos, puis je prends l'autobus, tu sais, l'autobus voyageur. Habillé, on l'a déjà fait. Plein de monde qui nous regarde. Mais on se sent pas coupable. Ils sont tous jaloux qu'on fasse ça. Ben, on pense tous qu'eux autres, ils vont tous rire de nous autres. Bon, ils risent pas de nous autres, ils rient jaune en tabarouette, puis ceux qui rient, c'est pour se protéger eux autres parce qu'ils sont jaloux qu'on le fasse. sais, il y en a qui ont peur de se mettre en costume de bain l'été, mais ils sont jaloux en maudit de ceux qui se font dorer à couenne au soleil, qui n'ont pas peur, eux autres. Alors, tu sais, ta culpabilité, réellement, comment tu fais pour t'en sortir? Bien, à un moment donné, tu vas vivre l'événement. Bon, tu t'en vas sur une plage. Tu vas voir un film porno, simplement, pour briser tes formes culpabilisatrices. Tu regardes le film, c'est tête à la mort, il n'y a pas de scénario, puis tabarnouche, ils font rien que jouer des fesses, puis c'est tout. Puis c'est plate, en maudit. Puis tu sors de là, puis c'est plate, puis c'est tout. Ben, mais tu es coupable de t'en aller. Oui, ouais, encore, oui. Partir en plein milieu d'un film ou d'une conférence, ça culpabilise tout le temps. Mais si c'est plate, va-t'en! Puis si le gars qui fait la conférence, ben non, le film qui est là, puis le gars, je veux dire, les acteurs, ils savent pas que tu sors. Mais t'as peur de sortir en plein milieu d'un film pareil, les autres, ils vont dire, tu sais. Mais ça peut donner recours à d'autres genres de, entre guillemets, excès. T'es dans une conférence. La conférence, t'as trouvé plate à mort. Ouais. Tu te sens coupable de pas te lever puis de dire ta façon de penser. Dire la façon de penser, c'est-tu intelligent dans l'événement que tu vis? T'as 1000 personnes qui t'entourent, qui sont emballées par le conférencier. Toi, tu veux te lever, l'interrompre, puis commencer à dire que le gars, il a tort. Ben, t'as rien qu'à l'essayer à un moment donné, puis tu vas voir. Tu sais, c'est pas intelligent. Puis t'as-tu à vrai, réellement, à prouver que ton ego est plus fort que le sien? Ça peut pas nécessairement être prouvé. Ça peut pas être nécessairement prouvé, mais tu peux te sentir coupable de pas être plus fort que ça. Non, tu vas à Montréal, tu viens à la Montréalaise. C'est toujours très, très important si tu veux pas, à un moment donné, avoir des effets karmiques de tes actions. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu dis à un gros gars qui est dans un moteur, là, que c'est un gros salaud, puis qu'il c'est un sale, puis tout ça, ben tu peux le dire. Mais quand tu vas marier son casque de moto sur la tête, ben ça, c'est l'effet karmique immédiat, n'est-ce pas, de ton action. Faut que tu sois intelligent. Moi, je me sens pas coupable de me lever si c'est plate et de m'en aller. Ou si je compte un peu ce qu'il dit, mais ça met le sujet et m'intéresse, bien, il y a une période de questions, je pose mes questions. Mais là, je vais poser mes questions intelligemment. Si je vois qu'il n'y a rien à faire avec ce conférencier-là, bien, ça me sert à quoi de continuer? Je me sens pas coupable, ça me sert à rien de continuer. Tu vas te détacher. Oui, mais si j'ai un orgueil et un ego très puissant qui va absolument dominer, c'est encore une forme de protection de notre culpabilité que l'on veut pas vivre. Là, tu vas te sentir coupable de pas être dominant. C'est ça. Alors, automatiquement, là, tu vas astiner, tu vas essayer d'avoir raison, tout ça. Mais un point de vue, ça reste un point de vue, de toute manière. Que ce soit le mien, que ce soit celui de n'importe qui. Mais de là à vouloir lutter et puis te battre contre un point de vue, contre une personne que tu aurais pu simplement ne pas rencontrer ou éviter n'importe quand, c'est con. C'est pas d'intelligence. C'est encore de l'ego. Puis l'ego fait tout pour ne jamais se sentir coupable parce que la culpabilité est une souffrance inouïe pour l'ego, pour l'être. C'est même écœurant. La culpabilité. Les enfants, là, qui sont dans le coin, ou même les adultes, des fois, qui vont traîner ça longtemps. Tu sais, tu dis, par exemple, à ta femme, à tes enfants, restez ici à soir, je vais pas vous sortir, tu sais, il faut dire, il fait pas beau dehors, puis moi, je vais m'en vais, j'ai des affaires à régler, tu sais, puis bon. Tu reviens à la maison pour passer au feu, puis ils sont tous morts. Tu sais? Ou encore, t'achètes un ballon à ton petit gars, puis ton petit gars, ben, il échappe le ballon dans la rue, il part après, puis il y a un char qui le frappe. C'est ta faute à toi, ça? Ça te culpabilisant maudit longtemps, en tabarnouche, par exemple. Le gars Saint-Jean-Vianney, là, je me souviens plus en quelle année, là, qui est sorti de chez lui pour aller voir ce qui se passait dehors, qui s'est retourné de bord puis qui a vu sa maison descendre dans le trou lors d'un glissement de terrain puis qui a perdu sa famille, le gars, il se sentait-tu coupable? Mais ça servait à quoi, sa culpabilité? Ça servait à rien. Tu sais, c'est une leçon que le gars avait à apprendre, puis c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas de ta faute si ton petit gars, il échappe son ballon dans la rue puis que le gars s'en vient. Le gars qui s'en vient avec son char, il se sent coupable parce que le gars, il aurait dû prendre sa tasse de thé que sa femme lui a offert. Il serait parti 5 minutes plus tard, il l'aurait pas frappé. Bon. Le bonhomme qui a acheté son ballon à son petit gars, il se sent coupable, puis tout le monde se sent coupable, puis ça change rien. Fait que de ce sens-là, c'est dire... une souffrance pour ces êtres-là, une souffrance inouïe, inutile, mais inouïe. C'est une maudite souffrance. Alors, ça sert à quoi, cette souffrance-là? Absolument à rien. Rien. C'est une mal compréhension du mécanisme de la culpabilité. La culpabilité, elle est bonne dans un cadre pour une éducation particulière donnée à des individus particuliers. Mais quand tu te sers de ce mécanisme-là pour des choses absolument incroyables, il y a une pluie météorite, puis une météorite qui tombe sur ta femme, puis si tu l'aurais pas sortie ce soir-là, elle serait pas morte. Ben là, tu te sers du mécanisme de culpabilité d'une façon qui est pas correcte. Pour la simple raison que tu comprends rien au mécanisme lui-même. D'ailleurs, le mécanisme de culpabilité fonctionne seulement avec des individus qui comprennent pas le mécanisme, ça va de soi. Mais c'est plus bon. Faut que tu sois intelligent à un moment donné. Faut que tu commences à voir les causes et les effets, puis t'es pas mêlé là-dedans. C'est jamais de ta faute quoi qui arrive. De toute façon, c'est un fait. Tu mets le feu dans la forêt, tu le referas plus. Pas nécessaire de te culpabiliser pendant 20 ans. Moi, si je veux absolument te montrer la gaffe que tu as faite, moi t'expliquer ce que tu as fait. Pas pour te culpabiliser, pour t'enseigner comment ne plus mettre le feu à la forêt. Pas pour te culpabiliser. T'échappes à une assiette à terre pendant que t'as la casse. Mais pourquoi faudrait que je te dise? Ben fais attention! C'est évident, tu veux faire attention, crime, tu le sais, là. Fait que je t'en parle même pas. T'en échappes une deuxième, mais allez voir. Peut-être qu'il se prend pas de la bonne manière. Là, tu veux, là, mettons, je veux te montrer comment là, les essuyer les assiettes comme il faut. Mais c'est pas pour te culpabiliser. C'est pour t'enseigner une technique. Puis sauver ton set de vaisselle. Sauver mon set de vaisselle. Mais il faut pas qu'une personne se sente coupable parce que quelqu'un vient de dire de quoi. Moi, je travaille, puis à mon travail, il y a des gaffes que je fais. J'ai pas toute l'expérience voulue. Mon patron, il arrive, puis il me dit, bon, ben là, Daniel, telle chose que t'as faite, c'était pas correct. La cause, ça a donné ça, ça comme résultat. Alors, moi, je dis, moi, pas bien de la lueur ce que tu dis là. Mais je me sens pas coupable. On travaille intelligemment, dans un but constructif. Fait que là, les prochaines fois, là, on faudrait qu'on pense à ça, puis qu'on essaie d'organiser ça mieux que ça, puis ça. Puis moi, je suis absolument d'accord. Je me sens pas coupable. Mon boss, il me mettra pas à la porte pour ça. Sans ça, il est pas intelligent pantoute. Lui, avec, il en fait des gaffes, puis il se met pas à la porte pour ça. Il est pas intelligent, mais il est quand même assez intelligent pour se garder. Il aurait plus grand patron. T'sais, ouais. Mais je veux dire, c'est ça qu'il y a, c'est que la culpabilité, c'est une barrière qui est utile dans un pour des individus ou pour une masse qui est encore très émotive, qui est encore assujettie à leur astral d'une façon manipulatrice. Peu intelligente. Peu intelligente dans le sens d'intelligence active, qu'on reviendra d'ailleurs sur ça à un moment donné, qui est contrôlée par un intellect contrôlé par ses émotions. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ben, ces individus-là ont besoin de barrières qui peuvent être la culpabilité. À un moment donné, on enseignait « aimez-vous les uns les autres ». Et aimez votre prochain comme vous-même. Mais automatiquement, c'est la personne qui accréditait ce concept-là devenait sujet à la manipulation de façon facile. Parce que toutes les fois que tu fais quelque chose contre ton prochain, que tu voles, que tu comptes une menterie, toutes les choses que moi je veux pas que tu me fasses, ben je t'enseigne qu'il faut pas que ce soit fait. Puis automatiquement, quand tu les fais, tu te sens coupable. Enfin, ça serait la force de toute règle morale, ça serait la culpabilité. Automatiquement, n'importe quelle règle morale qui n'est pas expérimentée dans le vécu a comme cheval de bataille la culpabilité pour pouvoir rester en place. C'est évident. Parce que pourquoi que je ne dois pas cueillir des fleurs? Ben parce que tu les tues. Automatiquement, tu sais que tu ne dois pas tuer de par ta religion, ton enseignement, ta philosophie ou de par n'importe quoi. Fait que là, tu cueilleras plus les fleurs, mais pas parce que tu sais, pas parce que tu comprends, parce que tu te sens coupable. Puis le feeling que tu vis quand tu fais cette action-là, tu veux pas le vivre, donc tu ne fais plus l'action. Mais là, c'est pas parce que tu es intelligent, tu es savant. On enseigne à des chiens comment faire des choses, le chien le fait, pas parce qu'il comprend, parce que le chien sait que quand il le fait pas, il est puni. Quand il le fait pas, le maître veut plus parler. Quand il le fait pas, le maître, il chiale. Le chien se sent coupable. Un chien, ça sauve de la culpabilité en tabarouette. Les animaux domestiques en souffrent. Pour éviter ce feeling-là, le chien va faire ce que son maître veut, puis en plus, il y a une récompense, il y a des gâteaux, il y a des biscuits. Mais les enfants qu'on éduque à l'école, même chose, les enfants savants. Si tu apprends telle affaire, tu as telle note. Puis comme tout est assujetti à la compétition, puis que tu as des notes d'évaluatrice dans ton bulletin, ou donc qui vont justement instaurer la culpabilité dedans l'enfant, dedans l'écolier, mais l'écolier veut pas avoir ce feeling-là. Ses parents avec, ils vont le traiter d'un paquet d'affaires, donner un cadeau à sa sœur qui a eu des bonnes notes, pas à lui, parce que lui, il fait qu'il est rien. Je veux dire, tu sais, s'il veut être de quoi, il y a un cas forcé. Fait qu'il travaille à cause de la culpabilité, pas à cause qu'il comprend, pas parce qu'il comprend l'utilité. L'enfant, ben, il sait très bien que c'est fonctionnel dans la société, c'est-à-dire que s'il a une job, puis qu'il fait travailler quelqu'un, puis qu'il, bon, il paye ses impôts, puis ses taxes, c'est un individu correct. Mais l'individu, l'enfant, c'est un enfant savant, pas un enfant intelligent. Ça fait un adulte savant, pas un adulte intelligent. Il sait pas pourquoi qu'il le fait, mais il sait que s'il le fait, il y a des gâteaux, des biscuits, puis s'il le fait pas, ben, il est pénalisé. Fait que l'adulte devient un adulte fonctionnel dans la société, et puis travaille, mais c'est un adulte savant, pas intelligent. C'est comme un chien savant, pas intelligent. Mais là, à un moment donné, l'individu, de par une réincarnation génétique, de par différentes choses, ben, il se développe. La culpabilité a plus la même emprise. C'est-à-dire qu'elle a une emprise extraordinaire, mais il y a quelque chose qui se rend compte de cette emprise-là, qui est notre intellect, qui est aussi notre intuition qui commence à nous parler. Notre intelligence active. L'intelligence de mentale supérieure, l'intelligence supramentale. Alors, ce qui fait que l'individu s'en rend compte, va souffrir. Donc, en prenant conscience qu'il est culpabilisé, qu'il souffre, il va souffrir plus, parce qu'il a hissé. Mais là, il est sur la voie de s'en débarrasser à la condition qu'il ne se culpabilise pas d'être culpabilisé. Ça, c'est le gros schéma dangereux. Après une crise, ben l'individu, une crise qui peut être moyennement grande, ça dépend toujours des individus puis de leur schéma psychologique, ben l'individu finit par comprendre la culpabilité puis ne plus se sentir coupable. Mais l'individu devient intelligent. L'individu va agir de façon intelligente pour avoir des choses qui peuvent être émotives ou n'importe quoi, mais intelligentes. Puis l'individu ne se sent pas coupable de ne pas les avoir. C'est pas grave de faire faillite une compagnie. C'est courant. C'est courant, mais c'est pas grave. Pourquoi que l'individu doit prendre ça comme un échec personnel? Puis c'est quoi un échec personnel? Ça existe-tu un échec dans la vie? Tu commences de quoi, puis ça rate, tu le recommences plus intelligemment, ou tu changes de plan, tu changes d'idée, tu changes de choses, puis c'est une recherche qui est constante pour n'importe quel individu. Mais il y en a pour qui le fait de ne pas avoir, tant d'argent en banque à la date qui s'était fixée, c'est un échec personnel, puis se culpabilise. Mais là, il se freine. Il faut qu'il continue. Pourquoi s'instaurer un but? Le but que tu t'instaures, ça devient une idée, c'est un concept, même titre qu'un concept moral. Parce que tu es menteur ou fautif avec l'idée que tu t'es instauré, bon, avoir tant d'argent en banque à telle date, ben non, être marié à telle date ou avoir ma maison à telle date ou n'importe quoi, tu calcules ça comme étant un échec personnel. C'est quoi un échec personnel? T'es pas un écueil, t'es pas un récif, t'es pas une loque humaine à cause que t'es un individu comme n'importe qui a peut-être visé trop haut, ben non, qui t'es pas assez intelligent. Je parle intelligent, actif, pour pouvoir bien travailler puis bien gérer tes choses. Puis ça fait partie de ton plan d'évolution, mais c'est tout. Le printemps, t'as des branches qui poussent. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Les petites branches, ils ne calculent pas comme étant un échec naturel. Mais le but n'est pas mauvais en soi. Il n'a pas été mauvais. Mais là, la culpabilité... C'est la pénalité que tu t'imposes. Ben, la culpabilité, c'est tout le temps une pénalité que tu t'imposes. C'est pour ça que la culpabilité est plus bonne quand l'individu est apte à comprendre. Présentement, ben, les individus sont aptes à comprendre. Puis les enfants sont de plus en plus aptes. D'ailleurs, ils demandent à comprendre. Fais le ménage de ta chambre, sans ça, ben, flic-flac-floc. Puis là, le petit enfant, il te répond, ben oui, mais ta chambre est même pas faite, Christy, je sais pas pourquoi il faudrait que je fasse la mienne. Puis là, tout ton orgueil embarque, hein, puis flic-flac-flac, une bonne fessée, puis c'est réglé, il va faire le ménage de sa chambre. Fait que c'est ton père t'a dit. Ouais. De toute façon, on va faire une série sur l'éducation à un moment donné. On va commencer parce que l'éducation des éducateurs. Parce que l'éducateur, le parent ou la société ont à apprendre. Puis qui va leur enseigner comment éduquer? Ben c'est évidemment ceux que tu as éduqués. C'est dur pour l'orgueil de la société et des individus. Mais c'est important. Mais l'enfant, tu peux plus le culpabiliser comme tu faisais. Tu vas le rendre malheureux, puis c'est tout. Comme on dit en québécois, tu vas le déciboirer. Mais c'est tout. Tu peux plus le culpabiliser autant. Par contre, ben si l'enfant il est mal mené, l'enfant qui commence à être intelligent, qui est malmené, il ne sait plus quoi faire. Ils se réunissent en gang, ils ne savent plus quoi faire. Puis ils écoutent de la musique bien, bien fort. Ils boivent, ils se droguent, ils prennent des pelules, lâchent l'école, ils s'amusent. Ils passent le temps en essayant de pas penser parce qu'ils sont trop intelligents, justement. Puis il n'y a pas une société qui est prête à les accepter encore avec leur intelligence. Les adultes sont trop orgueilleux. Mais ça crée une culpabilité de masse. Mais qui est différente de la culpabilité de masse sociétaire, qui est créée présentement par notre propre population. Au lieu d'une culpabilité défaitive, on assiste à une culpabilité de révolte. Oui, c'est une culpabilité de révolte, justement, parce qu'ils vont se révolter à un moment donné contre la culpabilité instaurée par l'adulte ou par la société. La société, c'est pas le gouvernement, c'est tous nous autres réunis ensemble. On est tous fautifs dans ce domaine-là, mais il est temps que la société, donc que nous autres, on fasse de quoi? La révolte, elle gronde déjà chez les individus adultes, mais qui se sentent coupables de se révolter. Mes enfants ne se sentiront pas coupables, ils ne se sentiront pas coupables de se révolter. À un moment donné, ils vont se révolter, mais ça va être une phase extrêmement dure. Il faut qu'il y ait des éducateurs, des adultes qui soient prêts à les aider. Alors, qui soient prêts à accepter leurs manifestations sans les rendre coupables. L'enfant qui dit « je ne vois pas pourquoi il faudrait que je fasse ça », tu ne le fais pas. Tu sais, les faits, ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça marche plus. Puis c'est dur pour un adulte qui a l'impression qu'il doit être le boss. Les enfants, il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'on les bâtisse comme il faut. Non, l'enfant va apprendre par l'exemple. Tu le fais, m'a réfléchir, voir si ça a de l'allure, puis si ça a de l'allure, m'a le faire. Je le ferai pas parce qu'il me le dit de le faire. Puis encore moins si tu le fais pas. Tu sais, il faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. Torieux. Combien il y en a de fumeurs qui disent ça? Fais plus à quoi ça un enfant. Il va aller fumer pour l'essayer, lui. Après ça, il se fait pogner parce que c'est légèrement narcotif. Il a un besoin corporel, il s'est fait avoir. Ben, il va continuer à cause d'un autre genre de culpabilité. Oui, c'est ça. Mais le système il va embarquer dans la société comme ça. Puis, pour devenir un homme ou une femme, pour devenir un adulte. Sans ça, il se sent coupable de ne pas l'être. Mais c'est plus comme ça. Il y a de plus en plus de marginaux qui, à l'époque, se sentaient coupables d'être marginaux, mais qui, de par leur nature, n'avaient pas le choix d'être marginaux. Mais là, maintenant, non. De moins en moins, Le monde, là, on s'en balance d'être marginal, puis c'est normal. C'est les marginaux qui construisent une société, c'est pas le monde qui suit. C'est ceux qui suivent pas qui Ceux qui construisent sont la en avant, société. pas ceux qui sont dans le milieu. Ben, c'est ça, c'est les marginaux qui instaurent des nouvelles choses, c'est les marginaux qui font des inventions, qui changent la société, c'est les marginaux, c'est pas ceux qui suivent. Daniel, je pense qu'on a cerné pas mal qu'est-ce que la culpabilité, mais peut-être que pour le bénéfice de nos auditeurs, il faudrait parler vraiment voir comment on s'en libère. On a parlé de l'observer. Peux-tu approfondir ou nous Oui. après l'observation? Il faut s'observer, puis il faut s'en libérer. Alors, L'expérimentation, tu parlais aussi. Expérimenter ce qui nous rend coupable. Mais on n'a pas fini. On se rend c'est-à-dire que tu coupable commences. beaucoup. Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu commences par expérimenter. Moi, je me sens coupable d'assassiner quelqu'un, alors tu ne vas pas commencer par expérimenter l'assassinat. Donc, on parlait aussi d'intelligence dans Oui, exactement. On l'expérimentation. parle d'intelligence. Alors moi, je peux me sentir, je peux expérimenter différentes facettes de ma culpabilité, mais je commence par les choses qui me sont les plus courantes. Je Mais me qui sont sens, quotidiennes, peut-être? ah oui, je me sens-tu coupable de manger des cornflakes le matin ou non? Je me sens-tu coupable de prendre mon bain seulement 3 fois par semaine au lieu de 5? Je me sens-tu coupable de me promener en petite tenue dans la maison? Ou je me sens-tu, bon, il y a des choses premièrement qui sont liées à l'individu propre. Je me sens-tu coupable juste de penser telle affaire? Il y en a qui se sentent coupables, juste avoir une idée. Mais il faut L'idée vient réellement de. passer des temps comme ça, se poser des questions comme ça? Pose pas des questions. Faut que quand tu te sens coupable, que tu Dans le observes ta présent. culpabilité. Oui. Tu vas pas vérifier sur v'là 5 ans quand tu t'es senti coupable, ça sert à rien. Ça, non, ça sert absolument à rien. Mais tu vis encore. Si tu vis pas de culpabilité, il n'y a aucune question qui se pose. Tu te sens pas coupable, c'est tout. Mais si tu vis encore des moments de culpabilité, ben, il faut que tu les étudies ces moments-là. Faut pas que tu luttes contre. Faut que tu les laisses aller. Mais là, faut que tu les observes. Pour voir. Quel est le support de cette peur-là? C'est une peur, la culpabilité. Peur de paraître idiot, peur d'avoir fait une faute, peur de bien des choses. C'est une peur, la culpabilité. C'est une forme très, très, très raffinée de la peur. Une forme dangereuse, la peur. Une peur potentielle. C'est même une peur qui est réelle. C'est une peur qui est existentielle dans l'individu. C'est une peur qui naît quasiment avec l'individu. L'individu apprend tout de suite à se sentir coupable. C'est un apprentissage de culpabilité. Tu ne l'as pas en essai, mais c'est pas long qu'on lui enseigne à se sentir coupable. Alors, c'est une peur fondamentale, la culpabilité. Ce qui fait qu'avec ce que tu dis là, c'est possible à chacun de nous, là, tout de suite aujourd'hui, de pouvoir être attentif à chaque chose que l'on fait qui peut nous rendre coupable et de là expérimenter, vivre cette culpabilité-là et la dépasser, l'annihiler. Oui. Les mécanismes de la libération de la culpabilité. On va en reparler. C'est un cheminement qui est long pour certains individus parce que compliqué, parce que l'individu se sent coupable de vouloir abandonner certains concepts. Parce que il y a des concepts, des idées, des philosophies, des choses qui ont toujours dirigé ta vie que tu dois, à un moment donné, abandonner, que tu dois réfuter. Que tu dois, faut que tu commences à douter de certaines choses. Faut premièrement que tu doutes de ta culpabilité. Est-ce que je dois me sentir fautif d'avoir fait telle chose? Ou si je dois vérifier si c'est intelligent, vérifier si je dois le recommencer si l'événement revient ou si je ne dois pas le recommencer. Est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que pour moi, telle chose est bonne et pas acceptable pour un autre? Non. Donc, pour Non. moi, je devrais pas me sentir coupable, ou pour moi, cette chose-là est correcte et admise, donc je dois pas m'en sentir coupable, même si la société voudrait ou la loi morale voudrait, pour moi, Non. ça passe. Non. Parce que si c'est pour toi, automatiquement, ça peut être assujetti à ton schéma émotif. Moi, ça me tentait de me promener tout nu sur le terrain de baseball. Parce qu'à un moment donné, c'était à la mode. Là. Il y avait les nuvites, là, ceux qui couraient là, partout. Là. Bon. Alors, moi, ça me plaisait, puis moi, ça allait bien avec moi. Fait, je me fous bien des autres. D'accord, tu te sens pas coupable, mais es-tu intelligent? Tu te ramasses en prison après, là, puis tu as une amende à payer. Même si tu te sens pas coupable, ça t'arrange pas. Faut que tu vérifies si c'était intelligent dans le contexte. Seulement si c'était intelligent dans le contexte. Si ça rapportait réellement à toi. Si ça te rapportait à toi de courir après la balle tout nu sur un terrain de baseball ou de football, c'est correct. Mais si ça l'avait en termes intelligents, si ça rapportait. Puis quand je dis intelligent, c'est pas intellectuel. C'est pas au niveau de tes émotions ni de ton intellect. Alors, ce qui fait qu'il faut que tu commences déjà, pour te libérer de la culpabilité, à avoir un certain discernement entre une chose émotive et une chose intelligente. On va y revenir après la pause. D'accord, Daniel, on va revenir sur la clé. Oui, la clé de la libération. De la culpabilité. Merci, Daniel. Thank you. Thank you.